tu m'avais dit que tu avais trouvé là. Donc c'est pour ça que je dis. Elle était derrière la porte. Oh là là. En fait, elle était coincée dans la porte. Ah, porte. Mais moi, j'ai trouvé des œufs. Il y avait des œufs aussi. Mais je pensais que tu regardais trois fois là, quoi. Et bah, il faut avoir un sens de l'observation plus aiguisé. Voilà, ça se travaille, mon cher. Puis la grande gagnante, double grande gagnante du prix du jury et du prix du public. C'est ma copine. Je l'ai vu, je me suis mise à crier, donc. Ah, c'est génial, Saint-Léon, il y a toujours des surprises. Bravo, maman. Bravo, maman, d'avoir trouvé ta tablette. Moi, j'ai vu une c'est toi qui l'as retrouvé, maman. Bon, bah, au moins, prix de l'Alzheimer pour maman. J'ai dit quelque chose.